1882, samedi 21 janvier. Madame C vient nous prendre pour aller chez Bastien Lepage. Nous trouvons là deux ou trois américaines et le petit Bastien Lepage, qui est tout petit, tout blond, les cheveux à la bretonne, le nez retroussé et une barbe d'adolescent. On est tout démonté. J'adore sa peinture et il est impossible de le regarder comme un maître. On a envie de le traiter en camarade et ses tableaux sont là pour nous remplir d'admiration, d'effroi et d'envie. Il y en a quatre ou cinq, tous grandeur nature et faits en plein air. C'est tout à fait beau. Un d'eux représente une gardeuse de vaches de 8 à 10 ans dans un champ. Un arbre tout nu et la vache là-bas. C'est d'une poésie pénétrante. Les yeux de la petite ont une expression de rêverie enfantine et campagnarde que je ne sais pas décrire. Il a l'air d'un petit bonhomme très content de lui-même, ce Bastien. Je rentre pour aider maman à recevoir une très grande quantité de monde. Ce que c'est que de donner des soirées à Paris, vous voyez, dit une de nos amies. Mercredi 12 juillet. Je prépare mon fameux tableau qui va être bien difficile à faire. Il faudra trouver un paysage dans le genre de celui que je me figure, et le tombeau creusé dans la roche. Je voudrais pouvoir le faire plus près de Paris, à Capri. C'est tout à fait l'Orient, et pas si loin, un rocher quelconque. Mais il faudrait un vrai tombeau. Il doit en exister en Algérie et surtout à Jérusalem. Un tombeau juif quelconque creusé dans la roche. Et les modèles? Oh, là-bas j'en aurais de magnifiques, et avec de vrais costumes. Je lui en dis que c'est folie. Il comprend, dit-il, que des maîtres, ceux qui savent tout, aillent faire leurs tableaux sur place. Car eux, ils vont chercher la seule chose qu'ils n'ont pas. La saveur, la vérité vraie. Tandis que moi, à qui il manque tant? Eh bien, mais il me semble qu'il me faut justement chercher cela, puisque je ne pourrai avoir du succès qu'à force de sincérité. Comment veut-il donc que je me refuse cette saveur, moi, qui ne puis rien avoir d'autre, ou presque rien? Que signifiera ce tableau s'il est fait à Saint-Germain avec des juifs de Batignolles et dans des costumes arrangés? Tandis que là, je trouverai des vêtements usés, portés et vrais, et ces tons de rencontre donnent des choses qu'on ne peut faire exprès. Mais le temps perdu du voyage, 15 jours et 15 jours d'installation, total 1 mois. Je partirai le 15 septembre, j'arriverai le 22. Le 10 octobre, je pourrai commencer. Je me donne 3 mois. 1 semaine pour mettre en place et dessiner, 1 semaine pour préparer. Le 24 octobre, je commencerai à peindre et au 1er novembre, la tête principale sera faite. Le corps se fera jusqu'au 10 novembre. Le 11, je commencerai l'autre figure qui prendra 10 jours. Les 27, 28, 29 et 30 novembre seront occupés à peindre les premiers plans. Je me donne 10 autres jours pour le fond, ce qui m'amène au 10 décembre. Notez que j'ai calculé pour le tout presque le double de ce qu'il est vraisemblable que je mettrai. Mardi 25 juillet. Soirée charmante où tout le monde est à l'aise. Causerie, calme, amusante, mais comme éteinte par de la musique grave et pénétrante. Seulement, on ne me dit pas un mot d'art. Heureusement, avant dîner, Julien est monté à l'atelier revoir les esquisses et le grand panneau sur lequel j'ai indiqué la figure au fusain et pastel. C'est ce qui s'appelle chercher son tableau. Eh bien, sans doute, car cela me plaît, tandis que je ne pouvais pas chercher celui de l'année dernière qui ne me disait rien. Oh, si je pouvais bien le faire. Julien entre tout à fait dans mon idée. Je ne croyais pas, et j'avais bien tort, qu'il comprenait si profondément la beauté de la scène. Oui, c'est vrai. On doit en faire quelque chose de terrible dans son calme, de désolé, de profondément désolé. C'est la fin de tout. La femme qui est là est plus que l'expression d'une douleur. C'est un drame immense, complet, effroyable. C'est la stupeur d'une âme où il ne reste plus rien. Il y a là, vu les antécédents de la créature, quelque chose de si humain, de si intéressant et de si grandiose, de si empoignant, que l'on sent comme un souffle qui vous passe dans les cheveux. Et je ne le ferai pas bien, quand ça dépend de moi. C'est quelque chose que je puis créer de mes mains, et ma volonté passionnée, tenace, inflexible ne suffirait pas. Le désir ardent, fou, de faire partager l'émotion que je ressens serait insuffisant. Allons donc, comment en douter? Quelque chose qui me remplit la tête, le cœur, l'âme, les yeux, et je ne triompherai pas des difficultés matérielles. Je me sens capable de tout. Il n'y a que si je suis malade. Je prierai Dieu tous les jours pour que ça n'arrive pas. Ma main serait impuissante à exprimer ce que veut ma tête. Allons donc. Ah, mon Dieu, je tombe à genoux, et je vous supplie de ne pas vous opposer à ce bonheur. Sans toute humilité, prosterné dans la poussière, que je vous supplie de... pas même de m'aider, de daigner seulement permettre que je travaille sans trop d'obstacles. Jeudi 16 novembre. Je suis allé chez un grand docteur, un chirurgien des hôpitaux, inconnu et modeste pour qu'il ne me trompe pas. Oh, ce n'est pas un monsieur aimable. Il m'a dit cela très simplement. Je ne guérirai jamais. Mais mon état peut s'améliorer d'une façon satisfaisante, de sorte que ce sera une surdité supportable. Elle l'est déjà. Elle le sera davantage à ce qu'il paraît. Mais si je ne suis pas rigoureusement le traitement qu'il m'indique, ça augmentera. Il m'indique aussi un petit médecin qui me surveillera pendant 2 mois, car il n'a pas le temps lui-même de me voir 2 fois par semaine comme cela est nécessaire. J'ai eu pour la première fois le courage de dire « Monsieur, je deviens sourde. Jusqu'ici, je usais de « je n'entends pas bien, j'ai les oreilles bouchées, etc. » Cette fois, j'ai osé dire cette chose atroce, et le médecin m'a répondu avec la brutalité du chirurgien. Je souhaite que les malheurs annoncés par mes rêves soient ceux-là. Mais nous ne nous occupons pas d'avance des tuiles que Dieu tient en réserve pour son humble servante. Pour le moment, je ne suis qu'à moitié sourde. Enfin, il dit que ça s'améliorera certainement. Tant que j'ai ma famille qui guette autour de moi et qui vient à mon aide avec l'adresse de l'affection, ça va encore, mais seul, au milieu d'étrangers. Et si j'ai un mari méchant ou peu délicat? Si encore c'était racheté par quelque grand bonheur dont j'aurais été comblé sans le mériter? Mais pourquoi donc dit-on que Dieu est bon, que Dieu est juste? Pourquoi Dieu fait-il souffrir? Si c'est lui qui a créé le monde, pourquoi a-t-il créé le mal, la souffrance, la méchanceté? Alors je ne guérirai jamais. Ce sera supportable, mais il y aura un voile entre moi et le reste du monde. Le vent dans les branches, le murmure de l'eau, la pluie qui tombe sur les vitres, les mots prononcés à voix basse, je n'entendrai rien de tout cela. Avec l'écart, je ne me suis pas trouvé en défaut une seule fois. À dîner non plus. Dès que la conversation est seulement un peu animée, je n'ai pas à me plaindre. Mais au théâtre, je n'entends pas les acteurs entièrement. Et avec les modèles, dans ce grand silence, on ne parle pas haut. Enfin, sans doute c'était prévu en quelque sorte. Depuis 1 an, je devrais y être habitué. J'y suis habitué, mais c'est tout de même épouvantable. Je suis frappé dans ce qui m'était le plus nécessaire, le plus précieux. Pourvu que ça s'arrête là. Vendredi 17 novembre. Ainsi, je vais désormais être moins que n'importe qui, incomplète, infirme. J'aurai besoin de la complaisance et de la complicité des miens, de la délicatesse des étrangers. L'indépendance, la liberté, tout cela est fini. Moi, si fier, il me faudra rougir et me défier de moi à chaque instant. J'écris ceci pour m'en pénétrer, mais je n'y crois pas encore. C'est tellement horrible. Mais je ne me rends pas encore compte. C'est si cruel, si incroyable. La vue de ma figure fraîche et rose dans une glace me remplit de pitié. Oui, tout le monde le sait, ou va le savoir, tous ceux qui étaient déjà si heureux de me décrier. Elle est sourde. Mais mon Dieu, pourquoi tout à coup cette chose épouvantable, affreuse, atroce? Samedi 23 décembre. Donc, ce soir, nous avons dîné le grand, le vrai, le seul, l'incomparable Bastien Lepage et son frère. On n'avait invité personne d'autre, ce qui était un peu gênant. Ils dînaient pour la première fois et ça semblait peut-être un peu trop intime. Et alors la peur que ça devienne ennuyeux, comprenez. Pour le frère, il est ici reçu presque aussi familièrement que Bougidard, mais le grand, le seul, le vrai, etc. Enfin, ce petit bonhomme, qui ici pourtant il était en or, ne vaudrait tout de même pas son talent. Ce petit bonhomme est gentil et flatté, je pense, d'être regardé comme cela. Personne ne lui a encore donné du génie. Je ne le lui dis pas non plus, seulement je le traite comme tel. Et par d'artificieux enfantillages, lui fait avaler des flatteries énormes. Bougidard vient un instant le soir, il est dans une lune aimable, il abonde en mon sens, il est de la maison, très heureux de rencontrer des Bastiens et autres célébrités. Mais pour que Bastien ne s'imagine pas que je pousse mon admiration à l'excès, je lui adjoins Saint-Marceau, dont je lui parle. Vous deux. Enfin, il est resté jusqu'à minuit. J'ai peint une bouteille qu'il a trouvée bien, ajoutant que c'est comme cela qu'il faut travailler. De la patience, concentrez-vous, donnez tout ce que vous pourrez, tâchez de rendre scrupuleusement la nature.